Je voyais pas tes commentaires. En fait, j'utilise Jam Tabac. Tu prends Jam Tabac, tu fais des loops. Tu vois. Essaye d'aller sur Jam Tabac, si tu connais. Essaye de faire la basse, si t'as envie.